Bonsoir. Bonsoir. Pendant les 40 années de leurs existences très publiques, des relations intimes et d'un style extraordinaire unirent la célèbre actrice anglaise Madame Patrick Campbell à Monsieur George Bernard Shaw, le célèbre végétarien. Et dramaturge. Et dramaturge. Arrivé à l'âge auquel, selon ses propres dires, il en avait assez vu pour ne pas souhaiter en voir davantage, Monsieur Shaw tomba éperdument amoureux de Madame Campbell. Transporté au septième ciel, funambule des nuages, il parcourut en chantant à tue-tête tous les chemins qui le menaient vers elle, sa stella stellarum, sa déesse de marbre sans tache, sa béatricissima. Cet amour, il le proclamait éternel. Oui, mais 40 ans plus tard, en apprenant sa mort, Shaw écrivit dans la presse « Tout le monde est extrêmement soulagé. Elle, sans doute plus que tout autre, car elle était incapable de vivre avec des personnes réelles dans un monde réel. Elle fut une grande ensorceleuse, aime ensorcela. Je n'étais pas le seul. » Voilà l'histoire de leur ensorcellement compté avec les mots exacts des centaines de lettres qu'ils s'écrivirent au fil des années, ces lettres à propos desquelles ils se battirent, qu'ils se renvoyèrent et faillirent perdre au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, Mrs. Pat, comme la surnommait le public, mourut dans le sud de la France. Toutes les lettres étaient dans ce carton à chapeau qu'elle cachait sous son lit. L'amie anglaise qui l'enterra, abandonnant tout le reste, sauva le carton à chapeau et parvint à le rapporter en Angleterre 5 jours avant l'entrée des Allemands à Paris. Et l'histoire commence 40 années plus tôt. Victoria règne encore, la guerre mondiale ne s'annonce pas à l'horizon. Madame Patrick Campbell est au fait de sa gloire. Avec Hélène Terry, elle domine le théâtre anglais. Oh, elle a déjà créé plus d'un rôle célèbre, mais son plus célèbre, celui d'Eliza Doolittle, la petite marchande de fleurs de Pygmalion, l'attendait encore. Quant à moi, car nous nous exprimerons désormais avec les paroles de Bernard Shaw et de Madame Patrick Campbell. Quant à moi, j'achevais une carrière de critique musicale et littéraire. Et je commençais à produire des pièces de mon cru, dont le succès ne couronnait aucune. La beauté et le talent de Madame Campbell me firent entreprendre une nouvelle pièce, César et Cléopâtre, avec l'espoir qu'elle accepterait le rôle de la reine d'Égypte. Je l'invitais à venir passer une fin de semaine dans ma maison de campagne. Tout est là, dans les lettres. Je vous cède la parole, monsieur Bernard Shaw. Merci, madame Patrick Campbell. 12 avril 1899. Chère madame, nous avons loué cette maison jusqu'au 14 mai. Alors, ne tardez pas à venir. Madame Shaw sera ravie de vous accueillir. Les légumes ont couvert leurs diffamateurs de ridicule. Ils accusaient mon régime d'être si pauvre que je ne recollerai jamais les os de mon pied. Eh bien, une radio les ridiculise. Hop, les voilà soudés. Et d'un ivoire si pur que j'ai laissé des instructions pour qu'on en fasse un ouvre-gant. On vous l'enverra en souvenir de moi si je meurs. J'ai vu votre dernier portrait. Aussi réussi qu'il soit, moi, je vous aurais plutôt photographié dans un lit. Je vous accorde que c'eût été prendre des risques. À dire vrai, la beauté est très répandue. Mais le don suprême, c'est quand le talent épouse le génie du dramaturge, tissant une toile unique. Entre toutes les femmes, vous seule avez ce pouvoir. J'espère que vous viendrez. Sincèrement vôtre, Georges Bernard Shaw. Cher monsieur Shaw, je ne tiens pas à voir mes photos. L'heure des rides a sonné. Dieu me vienne en aide et à toutes les femmes. Je regrette de ne pouvoir accepter votre invitation. J'ai dû m'engager à faire une tournée en Amérique. 20 semaines et une montagne de dollars à la minute. On me sollicite pour jouer la Faisane dans un merveilleux conte de fées en vers d'Edmond Rostand. Ne voudriez-vous pas l'angliciser pour nous? Dites-moi que oui. Que Dieu vous bénisse pour les joies que nous devons à votre humour. Et qu'il vous pardonne vos fautes de goût, elles me font grincer des dents. Sincèrement vôtre, Béatrice Stella Campbell. Chère madame, je ne crois pas être le type qu'il faut pour tripoter le truc en verre de Rostand. Je risquerais de lui communiquer un arrière-goût de soufre. Non, donnez une chance à vos contemporains. Tournez-vous vers l'aube. Moi, je suis déjà le soir. Vidé de ma substance, stéréotypé, vulgarisé. Trop âgé pour jouer à ces petits jeux. Trop âgé? 45 ans depuis le mois dernier. Sincèrement vôtre, G. Bernard Shaw. Le 5e mois du nouveau siècle, mon mari fut tué dans les combats d'Afrique du Sud. Nous avions été mariés 16 ans et la solitude fut écrasante. Il ne me restait plus qu'à me plonger dans le travail. 7 novembre 1901. Ma chère madame Campbell, j'ai enfin pu me procurer un fauteuil pour vous voir. Ce fut un succès. Et la musique de Handel, une excellente idée. Je pense toutefois que l'on pourrait améliorer les chœurs de Alléluia en les faisant infuser au bain-marie 9 ou 10 minutes. Ah oui, j'allais oublier. Il n'est pas juste que votre partenaire agonise dans l'indifférence générale. Surtout après avoir poussé des râles dignes d'Othello pour attirer votre attention. Tout cela n'empêche pas que ce fut magnifique. Enthousiastement vôtre, Bernard Shaw. Après quoi, je jouais une série de très belles pièces, un succès après l'autre. Je n'arrêtais pas d'aller et venir entre l'Angleterre et l'Amérique. Quelques années passèrent sans que j'entendisse parler de monsieur Shaw. Mes enfants avaient grandi et s'étaient mariés. Mon fils Béo en 1909 et ma fille Stella en 1911. Et moi, je pondais pièce sur pièce. Et l'or coulait à flot dans mes poches. J'attaquais un sujet auquel je rêvais de longue date pour Mrs. Pat, Pygmalion, qui fut achevé au début de 1911. Chère madame, je viens d'apprendre votre retour des Amériques. Par un curieux hasard, je serai dans votre quartier demain après-midi. M'offrirez-vous une tasse de thé? Je bondissais chez elle, lui lisais ma pièce, et le lendemain, elle m'écrivit. Cher monsieur Shaw, quelle œuvre! J'étais un peu stupéfaite par les bruits étranges qui jaillissaient de votre bouche pour imiter la voix faubourienne d'Elisa, mais enfin, merci de m'avoir fait entendre la pièce et d'imaginer que je pourrais en être la jolie clocharde. Oh, je savais que vous étiez venu m'en convaincre. Mais si vous tenez à ce qu'on en parle sérieusement, alors revenez me voir. Et peut-être, un jour, il revint, par un admirable soleil de juin, du rire dans les yeux et un projet de contrat dans la poche. Après son départ, j'éprouvais le sentiment étrange que notre amitié mûrissait trop vite. Avec sa prochaine lettre, j'en eus la certitude. Je l'ai surpris comme il la glissait sous ma porte. Oh, Stella, vous saviez très bien ce qu'elle est arrivée. J'entre chez vous calmement pour une discussion d'affaires. Et je tombe amoureux de la tête aux pieds en 30 secondes. Et pendant les 30 heures qui suivent, je divague. Et je marche sur les nuages comme si mon prochain anniversaire était le 20e. Mais vous n'avez pas 20 ans. Hélas. Et on ne badine pas avec le théâtre, c'est un couvent. Si je... Je vous dis bien si j'arrive à mettre la main sur les gens qu'il faut, je serai votre petite clocharde. À cela, je veux bien m'engager. Quant à votre promenade sur les nuages, elle est à double face. Et personne au monde ne peut nous dire, à vous ni à moi, si nous marchons dessus ou dessous. Dans tous les couvents, je vais claironner la nouvelle fracassante. Je vais crier que vous m'avez pris au piège. Voilà où cela m'aide d'avoir affaire à moi. Vous serez victime de l'univers cynique où se dissimule ma pauvre petite âme timide. Vous devrez jouer carte sur table. Donc, regarde. Je joue toujours carte sur table. C'est vous qui truquiez le jeu avec ce curieux hasard qui vous conduisait dans mon quartier. J'oppose mes ruses aux vôtres. Qu'adriez-vous de mélanger votre cœur à celui d'un vieil Irlandais charlatan et comédien? Ou plutôt, craindriez-vous d'en être incapable? Ceux qui le disent ont raison, vous êtes un feu follet. Peut-on s'éprendre d'un feu follet? Venez vendredi. Je vous promets que nous serons seuls. Si Stella avait décidé de vous prendre au piège, toute résistance était inutile car elle était irrésistible. Tout Londres connaissait ses charmes sous les projecteurs. Mais moi, je les découvrais sous un tout autre angle. Stella, mille merci pour vendredi. Et pour un samedi, fais le rêve délicieux qui m'ont à nouveau expédié au 7e ciel. Je recouvre mes esprits et suis redescendu sur terre. Mais ce serait une contre-vérité de prétendre que vous n'êtes pas une femme extraordinaire ou que le charme n'a pas opéré de façon enchanteresse pendant 12 heures GBS. Tenons-nous-en à nos affaires, monsieur Shaw. J'ai retenu un théâtre et j'ai fait savoir partout que j'en prendrai la direction et que j'interpréterai, peut-être, l'Elisa de Monsieur Shaw. Je ne sais pas encore qui prendre comme partenaire pour... Enfin, pour le rôle de l'homme. Il s'appelle Higgins. Higgins, oui. Oui, mais cela n'a guère d'importance. Nous trouverons bien quelqu'un pour... Comment dites-vous? Pour Higgins. Comment nous trouverons bien quelqu'un pour Higgins? Mais le rôle est au moins aussi important que le vôtre. Stella, attention. Rien n'est plus inévitable que la chute d'un spectacle à vedette unique. Rien, pas même mon génie, additionné avec le vôtre, ne pourrait vous sauver de l'échec. Dieu créa la femme après l'homme. La moitié de votre public se compose de femmes. Il faut donc répondre à leur besoin d'idéaliser un mâle. Et comment pourrait-elle idéaliser un pauvre petit cabot anonyme relégué dans un coin du décor et lessivé d'un bout à l'autre du spectacle? Allons, je dois trouver un homme qui ait la force de vous résister sur une scène. Vous n'êtes heureuse qu'entourée d'escargots. Les escargots n'élèvent jamais la voix et pour certaines pièces, ils font parfaitement l'affaire. Mais ce que j'écris a besoin d'être joué par des acteurs et non par des escargots à toute volée. Non, Stella, il me faut un Higgins superbe. Et je refuse d'être la cause de votre ruine, et la mienne. Je ne pourrais vous aimer autant si je n'aimais l'argent encore davantage. Vous êtes un pitre, monsieur Shaw. Je vais vous surnommer le clown. Joey le clown. Je le sais qu'on ne joue pas toute seule. Et puisque vous le savez, pourquoi faire la mauvaise tête? Je ne fais pas la mauvaise tête. S'il vous importe peu que mon travail me rende heureuse, il y en a d'autres, et beaucoup, qui s'en chargent. James Barry vient de finir une pièce pour moi, et on m'offre une fortune. Que cela ne vous empêche pas d'être raisonnable. Je trouve qu'il est tout à fait déraisonnable et pénible de marchander avec vous. Si le rôle de Higgins est plus important que celui d'Elisa, trouvez-vous une vedette masculine et une petite actrice, et moi je me retire. Stella, un peu de bon sens. Vous, une vedette royale, un vétéran en quelque sorte. Vous devez avoir en face de vous une vedette royale. Un vétéran? Mais comment osez-vous? Je ne suis pas un vétéran. Un vétéran? Un vétéran? Vous me donnez l'impression d'être un cheval qui, parce qu'il a gagné une fois le Grand Prix, peut se gaver d'avoine jusqu'à la fin de ses jours. Un vétéran. Mes cheveux sont-ils postiches, mes yeux de verre et ma jambe de bois? Eh bien, sachez que mes yeux sont mes yeux, mes cheveux, et ma jambe en pleine forme. Et je n'ai pas un jour de plus que 39 ans. Bien sûr, j'ai une fille de 28 ans. Qu'est-ce que ça prouve? C'est monnaie courante aux Indes. Vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. On raconte que vous vouliez me ridiculiser avec ce rôle d'Elisa. Et que tout le public se torde de rire à me voir jouer une fillette. Oh, je me demande ce que deviendraient vos élucubrations sans moi. Mais je veux ma Lisa et aucune autre Lisa. J'ai écrit la pièce pour ma Lisa. Et je veux un Higgins dit de ma Lisa. Alors soyez raisonnable. Je ne serai pas raisonnable. Je vais m'asseoir et hurler. Je peux hurler 20 ans de suite de plus en plus fort. Tout ce que je demande, c'est l'enfer en toute chose à ma tête. Oh, oh chéri. Monsieur Shaw, je vous prie. Je vous appelle chéri parce que cher monsieur Shaw ne veut rien dire. Tandis que chéri veut dire qu'on aime beaucoup. Et maintenant, en piste. Je rue dans les brancards et je fixe le commencement des répétitions au 1er septembre. Le 1er septembre me va. Si nous trouvons le Higgins de mes rêves, vous ne m'en ferez pas des morts. nos amis, commence à bavarder. Madame Shaw et moi-même, nous étions avec James Barry lundi soir. À 11 h, je me préparais à partir lorsque Barry demanda, en délayant au maximum sa pâte écossaise, « Verrez-vous encore Madame Campbell ce soir ?» Par ma faute, vous êtes un objet de scandale. Si seulement je pouvais tomber amoureux sans le crier sur les toits. J'aurai 56 ans, le 26 de ce mois. Je n'ai pas grandi d'un pouce. Il faut maintenant que j'aille lire cette lettre à ma femme Charlotte. Il n'y a que mes amours qui la divertissent. Oh! Pardonnez-moi ce sacrilège. Le mal de tête me rend odieux. Allons, c'est entendu, Stella, le 1er septembre. Stella, d'accord? D'accord, le 1er septembre. Mais ce devait être partie remise. Quelques semaines plus tard, je commençais à prendre mes vacances. Stella eut un terrible accident de taxi. Ce drame ruina nos projets. Et pendant plus d'un an, la tint éloignée de la scène. Pendant l'accident, elle tenait sur ses genoux son éternel Pékinois, qui ce jour-là s'appelait Pinky Penkipou. Ce fut un choc épouvantable. J'ai cru que ma tête éclatait. Depuis, je suis une véritable vision d'horreur. Un masque couvert de bleu, large comme des soucoupes. J'ai bien peur de ne plus jamais pouvoir jouer. C'en est fini d'Elisa. Il ne me reste plus qu'à emporter en France le manuscrit de votre pièce pour lire à ma chère amie Stracce pendant ma cure de repos. Un rôle où le monde ne m'entendra jamais. Jamais. Écrivez, pour que je guérisse. Ah, ma chère Stella, vous l'avez échappé belle. En effet, il n'y a que la cure de repos. Je suis dans les Alpes bavaroises en vacances. Je vous préviens que si vous lisez une fois de plus ma pièce, vous vous prosternerez devant moi. Est-ce Lady Strachey avec qui vous partez? Oh, oh, que deviendrais-je si vous me dépecez ensemble? J'affirme solennellement que lorsque je pénétrais dans votre demeure à Kensington Square, j'étais un homme de fer, insolemment sûr d'être invincible. En 30 secondes. Oh, cela, 30 secondes. Si vous aviez la moindre décence, rien de ce phénomène n'aurait pu se produire. Est-ce digne, est-ce admissible, à mon âge, un radoteur, un gâteux? Je surmonterai cette misère, ou j'en ferai une pièce à succès, j'en tirerai un avantage commercial. Ah non, écrivez des pièces sur ce que bon vous semble, mais je vous en prie, pas sur nous. Oh! Oh, j'ai toujours un tournevis dans le dos. Et pas même le droit de m'asseoir pendant plus d'une heure. Le paysage d'Aix est d'une grande beauté. Si je regarde dehors et au loin. Mais toutes ces femmes de nouveau riches me donnent la chair de poule. C'est la première fois que je me trouve dans une station thermale à la mode. Peut-être un jour, si vous n'êtes pas insupportable aux répétitions, je vous écrirai une lettre d'amour. Une lettre d'amour? Sancta simplicitas. M'avez-vous jamais écrit quoi que ce soit d'autre? Si vous étiez avec moi, votre amour m'empêcherait de me mettre dans de beaux draps comme ceux dans lesquels je me suis mis hier. Au milieu d'une petite ville, la voiture a rompu un organe vital. Alors, pour m'éviter les ennuis d'un cours de mécanique, je me suis réfugié chez le coiffeur, oubliant que je m'étais fait couper les cheveux la veille. De sorte que je suis chauve comme un œuf. J'ai découvert la catastrophe quand il attaquait mes sourcils. Il devait les confondre avec une seconde moustache en voyant mes pointes à la Méphisto. J'ai le poil aussi ras qu'un fox terrier. Dans ces conditions, impossible d'éprouver un sentiment romantique. S'il y a du soleil en Savoie et que vous faites beaucoup d'automobiles, demandez au chauffeur de vous garder un peu d'huile de graissage et frottez-vous le visage avec. Si vous ne le faites pas, vous pèlerez. Je me sers d'une crème spéciale. Mais l'huile de graissage est beaucoup moins chère et plus efficace. Vous ne méritez pas d'être aussi intelligent. D'ailleurs, vous n'êtes pas tellement intelligent, c'est juste de la malice, et qui s'accorde si bien avec le cher accent irlandais. Cela vous ennuierait-il de me prêter des bactéries? Les docteurs déclarent que j'en manque. Ils disent que celle d'un cheval ferait l'affaire, mais je préférerais de beaucoup les vôtres. Vous me manquez beaucoup. Et Elisa aussi. Venez vite. Je me suis rapproché de vous, ma déesse, de quelques 200 kilomètres. Chose bizarre, c'est la première fois que je visite Orléans. Un jour, j'aimerais écrire une pièce sur Jeanne d'Arc, qui commencerait par le balayage de ses cendres après le martyr et qui enchaînerait sur son arrivée au ciel. Dans l'une de mes scènes, on verrait Voltaire et Shakespeare raser les murs pour ne pas avoir à se dire bonjour. Voudriez-vous jouer la pucelle? Vous pourriez faire votre entrée à cheval, avec une armure étincelante et des figurants innombrables à combattre, pif, paf, pouf. Vos lettres sont un carnaval de mots. Le jour où vous apercevrez que je ne suis qu'une petite ménagère, sans intelligence ni charme, veuve depuis 12 ans, grand-mère depuis 4 ans, sera un jour épouvantable pour vous, escortée de femmes illustres, Jeanne d'Arc en tête. Le mal est fait. Il faut vous accepter et vous aimer. Mais quand vous étiez un tout petit garçon, quelqu'un, au moins une fois, aurait dû vous fermer le bec. Si je ne vous dis pas embrassez-moi, c'est parce que la vie est trop courte pour le genre de baiser que mon cœur imagine. Et parce que vous êtes toujours en train de courir pour ne pas être en retard, pour le thé, pour le dîner, pour Charlotte. Regardez-moi dans les yeux, 2 minutes, en silence, si vous l'osez. Alors, de combien d'heures seriez-vous en retard pour le dîner? Silencieux 2 minutes devant un public, même s'il ne comporte qu'un seul spectateur, impossible. Oh, il faut vous arracher de ce lit d'infirme et que la santé vous revienne. Sinon, j'entrerai dans votre lit et nous périrons ensemble scandaleusement. À certains passages de vos lettres, je ne puis répondre. C'est une triste femme qui vous écrit. Les médecins me disent que je dois subir une opération. Bonsoir. Je suis contente que nous nous soyons rencontrés. Vous dirai-je les calculs auxquels je me livre depuis votre maladie. L'argent. A-t-elle de l'argent? Cette femme jette l'argent par les fenêtres. Elle ne gagne pas un centime. A-t-elle des amis? Et l'orgueil. Hein, voilà ce qui complique tout. Dieu merci, j'ignore la délicatesse. Ah, si je pouvais imiter Zeus et me métamorphoser en puits d'or, l'ennui, c'est que je ne possède pas assez d'or pour qu'il pleuve et que j'appartiens à une firme, Charlotte & Co. Combien lui faudrait-il? Attention, soyons prudents. Quel est le minimum qui lui permettrait tout juste de s'en tirer? Mieux vaut peut-être donner peu à peu de petites sommes. Stella, si vous avez besoin d'argent, si jamais vous avez besoin d'argent... Non, cela ne m'est jamais arrivé de ma vie. Priez plutôt votre associée, Charlotte, d'être bonne. Ou même si elle me prend pour une folle ou pour une aventurière, elle peut vous permettre de me rendre visite quand je suis malade. Il n'y a rien là qui ne soit respectable. Mieux vaut ne rien lui demander du tout. C'est à peine si j'articule votre nom. Hier, tragédie. Charlotte avait entendu votre coup de téléphone. Elle a fait une scène atroce. Elle parlait de se tuer. Ou de me tuer. Oh, ça me fait mal de voir souffrir quelqu'un comme elle souffre. J'ai rêvé de Charlotte la nuit dernière. Elle me serrait la main avec chaleur, me souriait et me disait « Je croyais que vous étiez un oiseau de paradis, vous n'êtes qu'une oie. » Je me réveillais alors que je sautais dans un taxi pour me rendre... Vous savez où? Stella, la femme fatale. Puis je commençais à guérir. J'allais dans une clinique où l'on me...